ira-t-on? À chaque fois ça recommence. Les médias, la politique et les images choquantes. J'appelle à la paix, on me dit que c'est pas le moment. On ne sauvera pas de vie en recouvrant la mort d'un drapeau blanc. Comment finira-t-on? À chaque fois ça recommence. Les médias, la politique et les images choquantes. J'appelle à la paix, on me dit que c'est pas le moment. On ne sauvera pas de vie en recouvrant la mort d'un drapeau blanc. Je sais qu'un drame en cache souvent un autre, hein. Personne ne payera en savourant la note, hein, non. Salé comme les larmes qui se laissent aller. C'est la guerre est salée une fois que les armes sont désarmées. Combien de victimes depuis la nuit des temps, hein. Quand nos vies dépendent de ceux qui nous dirigent. Difficile de positiver, la pression m'étrangle. Y'a ceux qui se pendent peu à peu et ceux qui se détendent. Devant l'écran, ouais c'est facile de peser le pour et le contre. Où sont les gens quand il s'agit de faire bouger le monde, hein. Je suis forcé d'avouer qu'on nous prend pour des cons. Ils trafiquent déjà le prochain coup au fond de la cour des comptes, hein. Les mensonges planent, les faits réels s'étouffent. Mais qui êtes-vous pour me faire croire que l'éphémère c'est tout, qui. La panique est semée, s'énerve les troupes. La douleur se resserre et les gorges se nouent. Donc je donne le meilleur en sentant ma tristesse. À l'heure où tous les cœurs sont en batterie faible. J'ai rêvé que ces mots nous uniraient sans trêve. Que je partirais entier en laissant l'univers en paix. Donc j'appelle à la paix mec j'ai mal à ma terre. J'appelle à la paix mec j'ai mal à ma terre. J'appelle à la paix mec j'ai mal à ma terre. Sous mon drapeau blanc j'ai mal à ma terre. Comment finira-t-on? À chaque fois ça recommence. Les médias, la politique et les images choquantes. J'appelle à la paix, on me dit que c'est pas le moment. On ne sauvera pas de vie en recouvrant la mort d'un drapeau blanc. Comment finira-t-on? À chaque fois ça recommence. Les médias, la politique et les images choquantes. J'appelle à la paix, on me dit que c'est pas le moment. On ne sauvera pas de vie en recouvrant la mort d'un drapeau blanc. Comment finira-t-on? À chaque fois ça recommence. Si quelqu'un sait là qu'il me dise comment. Comment en est-on arrivé là? Hélas. Y'a pas de mots à part que l'homme est lâche. Pour tous les disparus. La vie est arrogante, même la mort agite son drapeau blanc. Ceux qui restent et qui souffrent en silence. La vie est arrogante, même la mort agite son drapeau blanc.